بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le numéro 3, le cours numéro 3 dans la lecture du livre Adwa'un min Fatawa Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah يعني في العقيدة du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est arrivé au point où le Cheikh dit wa manhajuhu fi fatwa في فتاواه منهجه في فتاواه وما أمكن لأهل العلم الحصول عليه وجمعه من كتبه. Donc c'est la méthodologie du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, la méthodologie du Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans ses fatwas, et ce qui est possible pour les hommes de science d'obtenir de ces fatwas-là et de ce qu'ils ont rassemblé de ces livres. Donc on va parler de ça en premier. Et après on va parler de Majmou' al-Fatawa. On va parler de Majmou' al-Fatawa. Donc on commence, Inch'Allah, le Cheikh il dit... قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على الملل فهي أكثر من أن تحصى ولكن دون منها بمصر على أبواب الفقه 17 مجلدا وهذا ظاهر مشهور وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله إلى أن قال وكان يكتب على السؤال الواحد مجلدا وأما جواب يكتب فيه 50 ورقة و60 فكثير جدا. Donc l'élève de Cheikh Ibn Taymiyyah, un de ses élèves, qui s'appelle Al-Hafidh Ibn Abdul Hadi rahimahullah, il dit en ce qui concerne ses fatwas et les textes qu'il a écrits et ses réponses au sujet des différentes sectes et des différentes voies, Ils sont plus nombreux que tu puisses les calculer ou les dénombrer. Et il dit, et parmi ça, ce qu'il a écrit en Égypte, hein, divisé selon les chapitres du fiqh, il a écrit 17 volumes, et ça c'est très connu et célèbre. Et il dit, c'est rare qu'il y avait un événement qui se produisait, et excepté qu'on lui posait à son sujet une question et il répondait au sujet de cette question, il répondait des réponses étonnantes et éblouissantes, et c'est quelque chose qui sa réponse devenait célèbre par la suite et ça devenait un livre. Hein, les gens, ils retranscrivaient ses réponses et ça devenait un livre. Et il dit que autre que lui, parmi les ulama, aurait eu de la difficulté à produire une réponse pareille. C'est-à-dire que pour d'autres personnes, ils auraient fallu beaucoup de temps pour répondre à cette question-là, et il leur aurait fallu chercher dans plusieurs livres pour trouver des réponses et des clarifications. Hein? Et peut-être que malgré ça, il n'aurait pas pu faire sortir quelque chose semblable. Tandis que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, non. Très facile. C'était très rapide pour lui de faire sortir ses fatwas. Parce que toute la science, toute la connaissance qu'il avait étudiée, il la connaissait, il l'avait dans son cœur. Depuis qu'on lui posait une question, il répondait avec toutes les explications et les détails, sans même consulter des livres. Sans même vérifier, tout ça il avait comme en lui-même. Et il dit, et il écrivait par rapport à une seule question, si quelqu'un lui venait pour lui poser une question sur quelque chose dans la religion, il répondait la réponse dans un volume. T'imagines? Hein? C'est comme si, tu viens, tu poses la question, il te répond avec un volume comme ça. Subhanallah. C'est comme ça, Cheikh al-Islam, il était, hein? Quand il écrivait, il n'arrêtait pas. Sinon, il y a d'autres livres des réponses qu'il a données. Parfois, c'était des réponses plus courtes, qui faisaient, par exemple, 50 pages, 60 pages. Hein? Ça, il y en avait beaucoup aussi. Il dit, وَقَالَ عَنْهُ أَيْضًا مُبَيِّنًا لِمَنْهَجِهِ فِي الْفَتْوَى فَفِي بَعْدِ الْأَحْكَامِ يُفْتِي بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ مِنْ مُوَافَقَةِ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَفِي بَعْضِهَا قَدْ يُفْتِي بِخِلَافِهِمْ أَوْ بِخِلَافِ الْمَشْهُورِ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ انْتَهَى كَلَامُهُ. C'est-à-dire que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, son élève, il dit à son sujet par rapport à sa méthodologie dans la fatwa, que parfois, dans certaines fatwas qu'il va écrire, il clarifie les règles selon ce que son ijtihad a établi. Et parfois, c'est en accord avec ce que les quatre écoles, les quatre mazahib ont établi. Et dans certaines fatwas, il donne la réponse selon ce qui contredit ces mazahib. Hein? Ou bien, qui contredit ce qui est célèbre dans ces mazahib. C'est-à-dire que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il faisait pas le taqlid. Il suivait pas aveuglément une école ou une position ou un alim ou un sheikh. Non. Il revient aux preuves et il extrait les verdicts directement des textes. Parce qu'il a les outils nécessaires pour faire ça. Et parfois, il est en accord avec les madhahib, parfois il les contredit. S'il voit que la preuve, implique cela. Hein? Il dit, وَالْمَثْبُوعُ مِنْ فَتْوَاهُ الْآنِ الفتاوى المصرية في خمس مجلدات في خمسة مجلدات ومجموع الرسائل والمسائل ستة أجزاء يعني طبعت في مطابع المنار وعلق عليها وصححها السيد محمد رشيد رضا وأخيرا قام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي بجمع الموجود من فتاواه المطبوع منها والمدبوع منها والمخطوط وبترتيبها على الأبواب فبلغت 35 مجلدا وقد استفاد منها أهل العلم فائدة عظيمة وأصبحت مرجعا كبيرا ومنهلا غزيرا. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui a été publié parmi les fatwas de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il y a qu'est-ce qu'on appelle al-fatawa al-misriya. Al-fatawa al-misriya, c'est al-fatawa al-kubra. On les appelle al-fatawa al-misriya. C'est des fatwas qu'on lui a, c'est des questions. Une fatwa c'est quoi? Fatwa c'est un hukm shar'i que un savant donne comme une réponse à une question et il mentionne dans cette réponse le verdict de la charia dedans. Tu comprends? Ce que Allah a dit ou ce que son messager a dit ou qu'est-ce que les preuves de l'ijma ont établi ou ainsi de suite ou qu'est-ce que son ijtihad lui a dicté. C'est ça une fatwa. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit de nombreuses réponses à différentes questions dans l'aqida, dans le fiqh, dans toutes sortes de domaines. Et ces fatwas ont été rassemblées et réunies dans des livres. Parmi ces livres, il y a Al-Fatawa al-Misriya. Et c'est un livre qui est composé de 5 volumes. On l'appelle Al-Fatawa al-Kubra. 5 volumes. Et il est publié, il est disponible dans les librairies. Si quelqu'un veut l'acheter, moi je l'ai à la maison. Je le vends pas, mais il est vendu dans les librairies. Si quelqu'un veut l'acheter, il peut se le procurer. Facilement. Pardon? Oui, ça a rapport avec l'Égypte. Parce qu'il était en Égypte quand il a fait cette fatwa-là. Non, Ibn Taymiyyah, il a été dans différents pays, il a été dans sa vie, il a voyagé. Des fois il était en Syrie, des fois il était en Égypte, des fois il était ailleurs. Tu vois? L'imam Shafi'i, on dit qu'il a deux madhabs. Un madhab quand il était en Irak et un madhab quand il était en Égypte. Oui, parce que quand il est venu en Égypte, il a rencontré des ulama, il a étudié des hadiths qu'il connaissait pas quand il était en Irak. Donc, en apprenant ces nouveaux hadiths, il a été obligé de changer son madhhab. Il a changé ses positions parce qu'il a découvert des connaissances qu'il n'avait pas auparavant. Tu vois? Donc ça, c'est un exemple. Donc, al-fatawa al-misriya, c'est les fatawas que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a écrites pendant qu'il était en prison. Certaines en prison, certaines quand il était en Égypte, d'autres en Syrie. Les autres, d'autres il a écrit des fatwas, d'autres qu'il a écrites en Égypte, et d'autres qu'il a écrites en Syrie, et d'autres qu'il a écrites ailleurs. Donc, selon l'endroit où il était, les gens ont donné le nom à ces fatwas-là. Al-fatawa al-misriya, al-fatawa kada ou kada. Donc, al-fatawa al-misriya, c'est 5 volumes. Il y a un autre livre qui s'appelle Majmu'atul Rasa'il wal-Masa'il. Ça aussi, c'est publié en six parties. Et ça a été publié dans les éditions Al-Manar en Égypte. Et c'est Sayyid Mohamed Rachid Reda qui les a corrigés et qui a commenté. Il dit, et également, dernièrement, il y a le Cheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, qui a rassemblé un grand nombre des fatwas de Ibn Taymiyyah, et c'est le Majmou' Fatawa qu'on connaît aujourd'hui, qui est composé de 35 volumes. 35 volumes. Il est célèbre, ce Majmou' Fatawa, dans toutes les librairies islamiques, tu le retrouves, et il est en vente dans les librairies islamiques aussi. Il y a différentes éditions, mais la plus connue, elle a 35 volumes. Et il y en a, dernièrement, ils en ont fait avec moins de volumes aussi, parce qu'ils ont rapetissé l'écriture et compressé un peu l'écriture, donc ça c'est devenu comme moins de volumes. Et ils sont mis en ordre, ces fatwas dedans. Les fatwas sont mis en ordre par sujet. Chaque volume, il a un sujet. Donc si vous voyez par exemple le volume 1, c'est sur par exemple Tawhid al-Rububiyya, l'autre c'est Tawhid al-Uluhiyya, l'autre c'est sur Mujmal Aqidat al-Salaf, l'autre sur le Tasawwuf, l'autre sur chaque Mujallad, il a un sujet différent. En français? Non. Non, ils ne sont pas traduits en français, ces fatwas-là. Non. Peut-être certains de ces livres-là sont traduits en français, mais pas tout. Certaines parties. Parce que dans ces fatwas-là, il y en a qui sont des livres connus. Comme par exemple, Al-Aqidatul Wasitiyya. Il est dans Majmou' Fatawa. Et d'autres livres aussi. Donc parmi ces fatwas-là, il y en a qui ont été publiés comme des livres individuels, séparés. Ils ont pris une partie de Majmou' Fatawa, puis ils l'ont publié séparément, avec un tahqir, avec plein d'explications, des exemples et tout. Donc ça, il y en a beaucoup comme ça. Et certains de ces livres-là, certains ont été traduits. C'est possible, oui. Après, le Cheikh, il dit donc que c'est 35 volumes, et les ulama ont profité grandement d'un grand bienfait de ces livres-là, et c'est devenu une référence pour 35 volumes, Majmou' Fatawa. Et il y a aussi les volumes les deux autres volumes qui sont des faharis, c'est-à-dire des tables des matières. Ouais, les index. Quand tu cherches un sujet, il y a deux volumes qui sont des index. Non. Le Cheikh dit ensuite, وقال في مقدمتها ولعظيم النفع بفتاويه والثقة منها واعتماد مبتغي الصواب عليها أي نعم مبتغي الصواب عليها ففتشت عن مختصراتها وفي بعض المكتبات في بعض المكتبات نجد والحجاز والشام وغيرها فجمعت منها وأكثر من 30 مجلدا ورتبتها وهو بدء وإلا فعسى الله أن يقيد لفتاويه من يجمعها من مشارق الأرض ومغاربها ومن من المكتبات التي لم نطلع عليها ويلحقه بما جمعته منها فهو سبحانه المستعان. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي c'est un parmi les ulama de l'Arabie, et il a écrit de nombreux livres. Il a même un sharh de un commentaire sur al-Usul al-Thalatha. Il a aussi un commentaire de al-Jurumiyya. Il a aussi un livre dans le fiqh, s'appelle Usul Usul al-Adilla ou quelque chose comme ça. Et puis il a fait même le sharh de ce livre-là. Il a un commentaire aussi de il a aussi un commentaire de Zad al-Mustaqni' dans le fiqh. En tout cas, il a écrit de nombreux livres. Donc c'est un parmi les mashaykh et les ulama. Et c'est lui qui a, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à cause du bienfait qu'il y a dans les fatwas d'Ibn Taymiyyah et la confiance que les gens ont en ces fatwas, et le fait que les gens qui recherchent la position correcte, ils se basent sur ses écrits et sur ses fatwas, alors j'ai cherché les résumés de ces livres dans les différentes librairies, dans le Najd en Arabie, dans le Hijaz à Mecca ou à Medina, et dans Al-Sham en Syrie et ailleurs, et j'ai rassemblé celles que j'ai trouvées dans plus de 30 volumes, et je les ai mis en ordre. Et il dit, ça c'est juste un début. Il dit, ça c'est juste un début, les 33 Mujallad. Il dit pourquoi? Parce que on demande que Allah il nous permette de retrouver d'autres fatwas et de les rassembler de l'Est ou de l'Ouest, de la terre, des différentes librairies où je n'ai pas pu aller, pour trouver d'autres livres d'Ibn Taymiyyah et d'autres de ses fatawas pour les rajouter à Majmou' al-Fatawa. Et donc pour faire un genre de... pour rajouter des volumes encore des fatwas que lui, il n'a pas trouvé à l'époque. Donc les livres d'Ibn Taymiyyah, ils sont nombreux, il y en a plus encore. Et il dit, « وَقَالَ بْنُهُ الشَّيْخ مُحَمَّدْ » le fils de Cheikh Abdurrahman ibn Qasim, il dit, تتألف هذه المجموعة القيمة من فتاوى وهي الأكثر ومن كتب ورسائل ونقول بلغ عدد مجلداتها ونقول بلغ عدد مجلداتها 34 مجلدا قسم منها مطبوع وعدد صفحاته 18,000 صفحة تقريبا وقسم لم يسبق له أن طبع بل كان مخبوءا في زوايا المكتبات العامة أو الخاصة وهذا القسم أكثر من ثلث من الثلث تقريبا. Donc le fils de Cheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, il dit que ce majmou' fatawa est composé en grande partie de fatwa, et il y a aussi dedans des livres et des essais, des écrits, et il dit que le nombre de ces volumes sont de 34 volumes, donc ils ont peut-être rajouté après. Puis il dit, il y a une partie qui était déjà publiée, une partie de ces livres qui étaient dedans, qui étaient déjà publiés, et il dit le nombre de pages en tout de Majmou' al-Fatawa, c'est 17 000 pages à peu près. Et il dit, il y a une partie de ces livres qui sont dans Majmou' al-Fatawa qui a jamais été publiée auparavant, c'est-à-dire avant Majmou' al-Fatawa, ils n'étaient pas publiés, ces livres-là, c'était des manuscrits. Et ils étaient cachés dans des coins de certaines librairies publiques ou privées. Les gens ne les avaient jamais vus encore, C'est-à-dire les gens dans les librairies, ce livre-là n'était pas publié encore. C'était dans des librairies qu'ils existaient seulement. Plutôt pas dans les librairies, dans les bibliothèques. Et donc, il dit ça, c'est à peu près un tiers de Majmou' al-Fatawa. Donc, un tiers de Majmou' al-Fatawa, à peu près peut-être 11 volumes, hein, qui n'étaient jamais publiés auparavant. Et il dit, « Wal Majmou' yatakawwalu min aqsam. قسم في أصول الدين يشمل العقائد وما يتصل بها وقسم في تفسير القرآن وقسم في الحديث وقسم في الفقه على ترتيب كتب المتأخرين من فقهاء الحنابلة مبتدئا من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار. Donc le cheikh il dit, donc le majmou' al-fatawa est divisé en différentes catégories. Une de ces catégories à propos des fondements de la religion et des croyances et tout ce qui est relié à ça. Une autre partie à propos du tafsir du Coran et une autre section à propos des hadiths, la science du hadith, et une autre section à propos du fiqh, classé selon l'ordre des livres de fiqh chez les fuqaha du madhab al-hanbali. En commençant par le chapitre au sujet de la pureté jusqu'au chapitre de des déclarations de l'Iqrar, ou différentes questions qui ont rapport à ces sujets là et il dit wa hadha al majmou' yu'tabaru rasidan dakhman min 'ulum shaykh al islam ibn taymiyyah fi mukhtalaf al 'ulum al shar'iyyah وقد استفاد منه الباحثون فائدة كبيرة فجزى الله من قام بجمعه وترتيبه ومن قام بطبعه وتوزيعه خير الجزاء عن الإسلام وأهله. Donc il dit ce recueil des fatawas de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, donc c'est une grande richesse de science de Ibn Taymiyyah dans les différentes sciences de la sharia. Et les chercheurs en ont profité un grand bienfait. Et que Allah les récompense. Que Allah récompense ceux qui ont rassemblé et ordonné ces livres. Et ceux qui l'ont fait publier également. Et qui l'ont distribué. Que Allah les récompense pour l'islam et pour qu'est-ce qu'ils ont fait de bien pour l'islam et les musulmans. Et il dit, « Wa nasalullaha an yuwaffiq al-ulama wal-bahithin » والجهات العلمية مثل رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ومثل الجامعة الإسلامية التي تتبع مؤلفات الشيخ ورسائله وفتاويه في مظانها من المكتبات العلمية وجمعها وتصحيحها ونشرها فإن رصيده العلمي ضخم لم يعثر حتى الآن إلا على القليل منه سبحان الله. Donc le cheikh il dit, on demande à Allah qui donne le succès aux ulama et aux chercheurs et aux différentes instances de d'enseignement islamique, scientifique, islamique, comme la dirigeance des recherches scientifiques et de l'IFTA et de la da'wa et de l'orientation de l'Arabie Saoudite par exemple, Riasat al-Buhuth, et là-bas il y a aussi les universités islamiques dans les différentes régions du monde, dans les différents pays musulmans qui recherchent les livres et les écrits et les fatwas de Ibn Taymiyyah et qui les corrigent et qui les réunissent et qui les diffuse. Donc il dit, il y a une grande partie, il dit, qu'est-ce qu'on a trouvé des livres de Ibn Taymiyyah maintenant, c'est juste une petite partie de qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a écrit. Donc ça veut dire c'est rien ça, subhanallah. Il dit, wa tilmizuhu al-hafiz ibn Abd al-Hadi qal wa kana ya'ni al-shaykh yaktubu al-jawab fa in hadara min من يبيضه وإلا أخذ المسائل خطه وذهب أخذ السائل خطه وذهب ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم وفي الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك. فإن وجد من خطه وإلا لم يشتهر ولم يعرف، وربما أخذه بعض أصحابه فلا يقدر على نقله ولا رده إليه فيذهب، وكان كثيرا ما يقول قد كتبت في كذا وفي كذا، ويسأل عن الشيء فيقول قد كتبت في هذا، فلا يدري أين هو، فيلتفت إلى أصحابه ويقول ردوا خطي وأظهروه لينقل، فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه. ولهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه. Donc le cheikh il explique ici pourquoi parfois certains de ces livres on les a pas retrouvés. Donc Cheikh Abdul Hafiz, l'élève de Cheikh Ibn Taymiyyah, Al-Hafiz Ibn Abdul Hadi, il dit que parfois Cheikh al-Islam il écrivait des choses comme réponse. Et s'il y avait quelqu'un qui était présent pour le retranscrire, il faisait une copie, sinon yani la personne elle prenait la réponse puis elle partait avec. Ou des fois il écrivait plusieurs règles à propos des différentes règles à propos des différents domaines de la science, dans les fondements, dans les branches, dans les différentes questions de tafsir ou autres. Et yani si on a trouvé quelqu'un pour le retranscrire, sinon yani on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec. Peut-être que certains de ses compagnons ils le prenaient et soit il n'était pas capable de le retranscrire, ou il le rendait pas. Alors cet écrit-là, il partait. Et il dit beaucoup de fois, Ibn Taymiyyah, il disait par exemple, j'ai écrit sur tel sujet, tel ou tel livre. Alors il demandait à propos de la question, et il disait, j'ai écrit à tel sujet quelque chose, je sais pas où il est. Alors il demandait à ses élèves, à ses compagnons, ramenez-moi le qu'est-ce que j'ai écrit sur telle chose, pour qu'on puisse le transcrire. Et certains d'entre eux, tellement ils voulaient pas perdre les écrits qu'ils avaient gardés de Ibn Taymiyyah, ils le rendaient pas. Ou bien parfois ils étaient incapables de le retrouver parce qu'ils savaient pas où est-ce qu'il était. Et donc c'est pour cette raison-là que beaucoup des écrits d'Ibn Taymiyyah, on n'a pas été capable de les retrouver. Et c'est pour ça qu'on a du mal à les compter et à dénombrer combien il a écrit et combien de livres il avait. Et donc il dit le cheikh, وَمَا كَفَ هَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا حُبِسَ تَفَرَّقَ أَتْبَاعُهُ وَتَفَرَّقَتْ كُتُبُهُ وَخَوَّفُوا أَصْحَابَهُ من أن يظهر كتبه، فذهب كل واحد بما عنده وأخفاه ولم يظهر كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده وهذا يبيعه أو يهبه وهذا يخفيه وهذا يودعه، حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها، وبدون هذا تمزق الكتب والتصانيف. ولولا أن الله تعالى لطف وأعانه ومن وأنعمه وخرق العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن لأحد أن يجمعها، وقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه وجمعها وإصلاح ما فسد منها ورد ما ذهب منها ما لو ذكرته لكان عجبا، يعلم به كل منصف أن لله عناية به وبكلامه، لأنه يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى كلام ابن عبد الهادي rahimahullah. Donc il explique qu'il dit que lorsque Ibn Taymiyyah, hein, il dit ça, si ça c'était pas suffisant, le fait qu'il ait perdu ou qu'il ne pouvait pas retrouver certains des écrits, en plus de ça, lorsqu'il a été emprisonné, Ibn Taymiyyah, ses élèves se sont divisés et séparés et ils ont eu peur, certains d'entre eux, donc ils cachaient ses livres. Et chacun, il partait dans une direction différente ou dans une région différente, il amenait ses livres avec lui. Hein? Et certains d'entre eux, ils les cachaient parce qu'ils avaient peur que ces livres-là leur soient confisqués ou leur soient enlevés ou des choses comme ça. Ou parfois même certains de ces livres-là, ils étaient volés. Ou parfois ils pouvaient, par exemple, il y en a qui pouvaient les vendre, ou peut-être qu'ils allaient les donner à quelqu'un, ou ils les cachaient quelque part, ou des choses comme ça. Et donc, on n'était pas capable de les retrouver. Hein? Et aussi des fois, il dit certains de ces livres-là, peut-être que certains d'entre eux ils se déchiraient, ou ils devenaient usés, ou des choses comme ça. Mais il dit, c'est par la grâce d'Allah et par son aide, et ça c'est même parmi les prodiges, que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ses écrits et ses livres. Il dit, si je mentionnais certaines de ces choses-là, hein, comment, à quel point Allah a préservé ses livres d'une manière surprenante, étonnante, extraordinaire, des choses qui ne sont pas croyables. Hein, comment on a été capable de rassembler, de préserver ses livres, et de les réparer, ceux d'entre eux qui avaient été brisés ou détruits. Il dit, peut-être que les gens ne croiraient pas. Et toute personne honnête aurait compris et aurait approuvé que c'est Allah qui a voulu les préserver, ces livres-là. Et que c'est Allah qui a voulu que ces livres-là soient préservés parce que Ibn Taymiyyah défendait la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam contre les déviations de ceux qui veulent déformer sa parole, ou ceux qui veulent tomber dans l'extrémisme ou l'exagération, ou qu'il préservait des formations des imposteurs et des fausses interprétations des ignorants. Ça, c'est la fin de la citation de son élève Ibn Abdel Hadi. Il dit ensuite, وهذا ونحن نحاول إن شاء الله أن نقدم للقارئ الكريم بعض الأضواء من فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى، ونسأل الله لنا الإعانة على تحقيق هذه المهمة والتسديد فيما نقوله وننقله، إنه سميع مجيب. Donc il dit, on va essayer inshallah, donc qu'est-ce qu'on va présenter pour les lecteurs? De montrer certaines des lumières qui viennent des fatwas de cet grand imam Ibn Taymiyyah, par qu'est-ce qu'on a extirpé de différents contenus de ces fatwas et de leurs fruits, ainsi que des parfums de ces fleurs, hein, en voulant dire qu'il compare les fatwas d'Ibn Taymiyyah à des fleurs qui émettent un parfum qui est plaisant, pour faire profiter à tout le monde et pour faire connaître à tout le monde les bienfaits qu'il y a dans ces livres-là et dans ces fatwas-là. Et ça fait partie de propager la science et du fait de collaborer et de coopérer dans la piété, dans le bien et dans la piété. Et on demande à Allah de nous aider à réaliser cette tâche importante et de rester dans la droiture dans ce que nous disons et dans ce que nous transmettons ou citons. Et il est certes audient et il exauce. Ah, Miladi. Ben, en fait, Ibn Taymiyyah, on a, ouais, il est né en 661 de la Hijra. Je vais vous dire, attends. Il est né en 1263 et il est mort en 1328. Donc, c'est le Moyen Âge. C'est un des grands savants de l'islam. Des fois, tu vois des koufars, par exemple, quand tu cites, hein, quand tu cites des savants de l'islam, et tu dis ils ont vécu en telle année ou en telle année, et eux, ils regardent ça, puis ils disent oh, regarde, eux, ils suivent des savants du Moyen Âge. Hein? Ils sont stupides parce qu'en réalité, le fait qu'un savant ait vécu dans le passé, que ça fait longtemps, c'est la preuve qu'il était plus proche de l'époque des prophètes. Donc il est plus, et surtout qu'on connaît à quel point il s'accrochait à la sunna. Donc c'est un des imams parmi les salafs. Ça prouve encore plus son authenticité. Et en plus de ça, si on regarde juste par exemple les koufars, eux, les références qu'ils ont par rapport à leurs idées et par rapport à leur société, leur civilisation, eh ben on voit que eux, ils ont des références parfois qui sont beaucoup plus anciennes que nous, les musulmans, et pourtant ils les honorent quand même. Oui, les philosophes comme Aristote, Platon et autres, c'est des gens, ils ont vécu depuis des siècles et pourtant ils les citent encore aujourd'hui. Hein? Et on va dire, oh, regarde ces gens-là, ils citent des penseurs ou des philosophes depuis qui ont vécu il y a comme 4000 ans en arrière ou je sais pas quoi. Ouais, c'est des djouhal. C'était des ignorants ces gens-là. Mais c'est vrai, ils connaissaient pas Allah. Ils adoraient pas leur créateur. C'était des mouchriquins la plupart. Donc le cheikh dit wa majmou' fatawa, le recueil de ses fatwas. Abtadi'u hadha al majmou' al mubarak bi khutbatin balighatin li cheikh ibtada'aha bi hamdillah wa athna'i alayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa bima tafaddala bihi ala 'ibadihi من إرسال الرسل وإنزال الكتب وبما تكفل به سبحانه من حفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ثم ثنى بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم بين عظيم نعمة الله على عباده بإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما قام به صلى الله عليه وسلم من تبليغ هذا الدين وهداية العالمين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور الفرقان واشتهرت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الآذان وقامت حجة الله على الإنسان والجان. Donc le cheikh il commence et il dit je vais débuter ce livre par dans le Majmou' al-Fatawa il dit l'introduction par laquelle Ibn Taymiyyah a commencé un de ses livres et il débute par le fait de mentionner la louange d'Allah et ses éloges. Hein, les éloges sur lui par ses noms et par ses attributs et par les grâces qu'il a fait à ses serviteurs en ayant envoyé ses messagers et en ayant fait descendre ses livres et par ce qu'il s'est chargé de faire en préservant son livre et en préservant la sunna de son messager des déformations des extrémistes des déformations des faussaires et des imposteurs et des fausses interprétations des ignorants et il a mentionné en deuxième le témoignage les deux témoignages le témoignage de la ilaha illallah et le témoignage de Muhammad Rasulullah puis ensuite il a mentionné la grande grâce qu'il a fait à ses serviteurs en ayant envoyé le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il a fait également de comme transmission de la religion et d'avoir guidé les mondes jusqu'à ce que le soleil de la foi soit levé et les calomnies de la nuit soient dissipées, et pour que et jusqu'à ce que l'armée d'Allah Ar-Rahman soit devenue forte et puissante, et que soit humilié le parti du shaitan, et que la lumière du discernement, Al-Furqan, devienne apparente, et que la récitation du Coran soit devenue célèbre et connue, et que soit appelé déclaré l'appel du adhan, l'appel à la prière, et que la preuve d'Allah soit établie contre les hommes et les djinns. Il dit ensuite, ثُمَّ. Donc là, c'est dans le volume 1 de Majmou al-Fatawa, à la page, l'introduction de la page 1 à 3, puis après la page 4. Donc il fait par exemple, pour une page, il va faire par exemple un paragraphe à peu près. C'est comme s'il résume qu'est-ce qu'il y a dans le Majmou al-Fatawa. Il dit, ثُمَّ بَيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة لهم إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلق الخلق لعبادته، ولا يمكن تحقيق العبادة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة ليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Donc le cheikh il explique ici que ensuite Ibn Taymiyyah il commence à expliquer qu'il n'y a pas de bonheur pour les serviteurs il n'y a pas non plus de salut pour les serviteurs excepté en suivant le messager صلى الله عليه وسلم, parce que Allah a créé les créatures pour son adoration, et il n'est pas possible de réaliser l'adoration d'Allah excepté en suivant le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parce que toute adoration qui n'est pas en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est de l'égarement. De la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui n'est pas de notre religion, elle sera rejetée. Et c'est rapporté par Muslim, et on a également un hadith dans ce sens dans Al-Bukhari. Il dit ensuite, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di tamassaku biha وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah par la suite il dit, celui qui vivra après verra beaucoup de divergences, alors accrochez-vous à ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, cramponnez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires, et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute innovation est égarement, toute bid'a est égarement. Et ça c'est rapporté par l'imam Ahmad, Ibn Majah, Al-Tirmidhi, et également par Ibn Hibban Al-Hakim, Abu Nu'aym et d'autres également. Donc tout ça c'est pour dire que Ibn Taymiyyah il commence comme ça son explication. Après il continue, il dit wa qala rahimahullah wa qad dhakara Allah ta'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ittiba'ahu ta'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ittiba'ihi wa ta'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ittiba'ahu fi nahw 40 mawdi'an min al-Qur'an thumma dhakara jumlatan min hadhihi al-mawadi'. Il dit, que Ibn Taymiyyah rahimahullah, hein, à la page 4 du volume 1, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'obligation d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre dans plus que 40 endroits dans le Coran. Dans plus de 40 endroits dans le Coran. Et le Cheikh Al-Fawzan dit ensuite, il a énuméré certains de ces endroits-là, puis ensuite il a dit فَبِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَبَيَّنَ الْكُفْرُ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب فإن هذا يعني الطعام والشراب إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك يعني معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فات حصل العذاب فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته Donc il dit que Ibn Taymiyyah par la suite il a dit c'est par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la distinction s'est clarifiée entre la mécréance et la foi et la distinction entre les gens du paradis et les gens de l'enfer et les âmes ont plus besoin de la connaissance de ce qu'il a amené et de le et ont plus besoin de le suivre que de manger et de boire. Il dit parce que si la personne, hein, elle a besoin de manger et de boire, si elle ne le fait pas, elle va mourir dans cette dunya. Tandis que si elle n'a pas obtenu la connaissance de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené, hein, elle va avoir le châtiment dans l'au-delà. Hein? Donc, toute personne doit donc faire tous les efforts qu'il peut pour arriver à obtenir la connaissance de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené et de lui obéir. ثم بين رحمه الله أن طريق النجاة من العذاب الأليم هو الرواية والنقل وأن العقل وحده لا يكفي فكما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة وقد أتم الله النعمة على الأمة قال تعالى donc كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ce qui signifie: pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous donc de moi, je vous récompenserai, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Donc c'est ça que le cheikh il a cité et il dit wa qad atama Allah an-ni'mata 'ala al-ummah. Donc wa qad atama ni'mata Allah 'ala hadhihi al-ummah yusit le verset puis après il dit wa dhakara rahimahullah ayat kathira fi hadha al-ma'na wa dhakara 'an jam'in min al-'ulama an al-hikma hiya as-sunnah hiya sunnat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. On va traduire ce passage là. Le cheikh il dit, puis le cheikh il a expliqué les chemins du salut pour être sauvé du châtiment douloureux et que ce chemin là c'est le chemin de la transmission, hein? Le chemin c'est le chemin de la transmission et de la révélation, c'est à dire qu'est-ce qui a été transmis par la révélation, c'est ça le chemin du salut et c'est par là qu'on peut être sauvé du châtiment douloureux. Tandis que la raison, à elle seule, elle ne peut pas guider. Elle peut pas guider et protéger du, elle peut pas guider et sauver du châtiment de l'enfer, à elle seule. Il dit, c'est comme par exemple l'œil, hein, la lumière de l'œil. Elle ne peut pas voir excepté s'il y a une lumière extérieure qui éclaire. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu regardes quelque chose puis il fait noir, tu vas pas voir, hein. Donc c'est pas suffisant d'avoir des yeux pour voir. C'est ça qu'il veut dire. Il dit c'est la même chose que la lumière de la raison. Ça suffit pas pour voir clair, excepté si il y a la lumière du soleil de la révélation qui t'éclaire. Donc il fait une comparaison entre les deux. Là, ici, là, tout ce qu'on lit maintenant, c'est Ibn Taymiyyah. Ouais. Donc il dit la même manière que tes yeux, tu peux avoir des yeux, mais s'il n'y a pas de lumière à l'extérieur, tu ne peux pas voir. De la même manière, tu as la raison, la lumière de la raison, tu ne peux pas comprendre avec et trouver la vérité avec, excepté s'il y a le soleil de la révélation pour t'éclairer, hein, et pour te guider. Donc il dit Allah a complété sa grâce sur la Ummah, comme il le dit dans le verset. Hein, le verset qu'on a lu tout à l'heure, 150, 151 et 152 dans Sourate Al-Baqarah. Hein, c'est ça. Pour que je parachève mon bienfait sur vous et que vous soyez bien guidés. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, c'est le Coran, vous purifie. Et vous enseigne le livre et la sagesse. Le livre, c'est le Coran. La sagesse, le cheikh, il dit à la fin, il a mentionné beaucoup de versets dans ce sens-là. Et il dit, les ulama, un grand nombre de ulama ont mentionné que la sagesse qui est mentionnée dans ce verset, ça signifie la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il vous récite le livre et la sagesse. La sagesse, c'est sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ثم بين رحمه الله أنه لما كان القرآن متميزا بنفسه لإعجازه وكونه منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير ألفاظه وحروفه وإنما حاول الشيطان إدخال التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتبديل وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل بعض العباد فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق والبهتان. Donc il dit, et ensuite il a expliqué Ibn Taymiyyah rahimahullah que étant donné que le Coran il est particulier, hein, il se distingue par lui-même du fait que c'est un miracle, hein, et que il est transmis par tawatur. Le Coran est transmis par tawatur, c'est-à-dire par un nombre immense de gens. Il est transmis par un nombre tellement grand de personnes que personne ne peut même convoiter ou souhaiter changer quoi que ce soit de ces mots ou de ces lettres. Alors, étant donné que c'est ainsi, le shaitan, il a essayé de faire rentrer la déformation et le changement dans ses significations et dans son sens, en essayant de déformer son interprétation et non sa lettre, parce que la lettre elle est intouchable. Donc ils ont essayé de déformer sa signification. Et il dit, ils ont également convoité de faire rentrer dans les hadiths, hein, d'enlever ou de rajouter des choses pour essayer d'égarer certains serviteurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait des grands imams critiques des hadiths qui sont des hommes de la guidance et de la droiture, et ils ont détruit le parti du shaitan et ils ont distingué entre la vérité et le faux dans ces questions-là. Il dit « وَقَامَ كُلُّ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَامَ أَهْلُ الْفِقْهِ الَّذِينَ فَقِهُوا مَعَانِيَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وقام علماء النقل بعلم الرواية والإسناد فسافروا في البلاد وصبروا على المصاعب الشداد ليحفظ الله بهم دينه كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق كما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ويظهر بها الهدى والدين ودين الحق ولو كره المشركون. Donc il dit, des grands ulama des musulmans, hein, Allah a fait en sorte que des grands ulama parmi les musulmans sur qui Allah a mis sa grâce, c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis sa grâce donc sur eux et sur les musulmans, et il a fait en sorte que des hommes de science et de compréhension parmi ceux qui ont la compréhension des significations du Coran et des hadiths, des grands ulama se sont levés pour transmettre la science de la narration et de la chaîne de transmission des hadiths, et ils ont voyagé dans les différents pays et ils ont enduré toutes sortes de difficultés, hein, et des épreuves pour préserver, hein, pour que Allah préserve par eux sa religion. Et comme il a fait de la maison sacrée, je vais vous sortir la traduction de ça, parce que des fois il paraphrase des versets de Coran. Il cite pas le verset, mais il utilise la même formulation que qu'est-ce que Allah dit dans le Coran pour dire ce qu'il veut. Hein? Donc, lorsque nous fîmes de la maison un lieu de visite et un lieu de sécurité, wa amnan. Hein? Et il dit de la même manière qu'il avait fait de la maison un lieu de visite et un lieu de sécurité que les gens visitent de toutes les différentes régions, de toutes les différentes, partout, ils passent par toutes les différentes toutes les différentes voies pour y arriver, et de la même manière qu'il a fait en sorte que comme il a fait aimer pour les gens le combat et la lutte, de dépenser de leur personne et de leur bien, hein. Et donc ça, c'est une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait aimer à certaines personnes ces choses-là. Il a fait aimer à certains parmi ses serviteurs le combat et la lutte et le sacrifice à la dépense de leur personne et de leur bien pour préserver sa religion et pour faire paraître la guidance et la religion de vérité, même si cela déplaît aux mushrikoun. Il dit وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد لهم يتأثرون به المنقولات يأثرون به المنقولات وكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليهم المنة أهل الإسلام والسنة يفرقون به بين الحق أو يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل. Donc il explique ici une des particularités de cette Ummah et des gens de la Sunna, à l'intérieur de la Ummah en particulier, parce que vous allez voir qu'est-ce qu'il explique ici. Il dit que la science de la transmission et des chaînes de transmission des hadiths, hein, c'est quelque chose que Allah, ou c'est quelque chose dont Allah a fait une particularité pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il en a fait une échelle vers la compréhension des textes. Hein? Donc ça veut dire que tu ne peux pas arriver au texte sans l'isnad. Hein? Chaque texte est relié à sa chaîne de transmission. Et il dit que les gens du livre, les chrétiens et les juifs, ils n'ont pas d'isnad. Par exemple, tu regardes la Bible des chrétiens, l'Ancien Testament ou le Nouveau. Il n'y a pas de chaîne de transmission pour savoir qui l'a transmise, pour savoir qui l'a traduite, pour savoir de qui l'a transmise verbalement, ou par écrit, on ne sait pas de qui ça vient. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui a rajouté de lui-même. Il n'y a aucune façon de vérifier l'authenticité de ces textes-là. Hein? Il dit, de la même manière que les innovateurs dans cette umma, hein, parmi les gens de l'égarement, ils n'ont pas de chaîne de transmission non plus. Les soufis, les chiites, hein, les mu'tazila, yani les khawarij, ils n'ont pas d'isnad, ces gens-là, pour justifier leur bid'a. Hein. Ils ne peuvent pas ramener rien de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ont comme croyance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils n'ont pas d'isnad, ils n'ont pas de chaîne de transmission. Hein? Donc ça c'est une des particularités, hein? Il dit, ça c'est une des particularités pour qui Allah a donné cette faveur, hein? Cette grande faveur parmi les musulmans aux gens de l'islam en premier et aux gens de la sunna à l'intérieur de l'islam. Parce que les gens, parmi les musulmans, les gens de bid'a, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas l'isnad. Ils n'ont pas la chaîne de transmission. Hein, pour vérifier et distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est droit et ce qui est croche. Également, d'autres parmi les gens de bid'a et les kuffars, donc, ils n'ont pas un moyen par lequel ils peuvent distinguer entre ce qui est vrai et faux. Hein, ils ont juste des textes. Et des textes et des citations qu'ils ont reprises, ils disent un tel a dit ça, un tel a dit ça, mais on ne sait pas de qui ça vient. Il n'y a aucun moyen de distinguer l'authenticité de l'un ou de l'autre. Hein? Et donc il dit wa amma hadhihi al-umma al-marhuma faqad 'asamahum Allah an jama'a أن يجمعوا على فقد عصمهم الله أن يجمعوا على الخطأ في دين الله معقول أو منقول وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول فإذا اجتمع أهل الفقه على قول لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يسدهم عن سبيل الله العظائم وهم في ذلك على درجات. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne notre ummah, l'ummah de l'islam, Allah les a préservés. Allah l'a préservé de se réunir sur l'erreur dans la religion d'Allah. Que ce soit dans quelque chose de qui est connu par la raison ou par la révélation. C'est pas possible que les musulmans tous ensemble se mettent d'accord sur le faux ou sur quelque chose qui est incorrect. Il dit le cheikh que s'ils sont en désaccord à propos de quelque chose, ils doivent le ramener à Allah et à son messager. Et s'ils sont tous les gens du fiqh se sont mis d'accord sur une parole, ça ne peut être que la vérité. Il dit, et si les gens du hadith se sont réunis pour authentifier un hadith, ça ne peut être que la vérité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, la tajtami'u ummati ala dalala. Ma umma ne peut pas s'unir sur l'égarement. Hein? Donc, Allah a préservé cette umma de s'unir sur l'égarement. Donc, s'ils sont divisés sur quelque chose, ça veut dire que il y a un égarement dedans. Ok? Et le cheikh, il dit, wa idha ijtama'a ahlu al-hadith, donc, wa la ta'khudhum. Donc ils ne se font pas prendre par le blâme d'aucun blâmeur par rapport à la vérité. C'est-à-dire même si quelqu'un veut les blâmer pour la vérité, ils vont pas se laisser affecter par ça. Et il y a rien qui les empêche ou qui les bloque de suivre le sentier d'Allah. Hein? Et il dit وَهُمْ فِي ذَٰلِكَ عَلَى دَرَجَاتٍ. Et ils sont en différents degrés dans ça. Ils ne sont pas tous au même degré. Il dit مِنْهُمْ الْمُقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّدِ النَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ وَمِنْهُمْ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ وَالدِّرَايَةِ وَمِنْهُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ فِيهِ وَالْمَعْرِفَةِ بِمَعَانِيهِ وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّةَ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ مَنْ شَهِدَ لِمَنْ غَابَ. ودعا للمبلغين عنه بالدعاء المستجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وفي هذا دعاء لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المبلغ المستمع أفقه من المبلغ وإن كان المبلغ المستمع أفقه من المبلغ وقال سفيان بن عيينة لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله donc le cheikh il dit que يعني parmi les savants donc ils sont en différents degrés hein, les savants de la religion par rapport à cette question là il dit parmi eux il y en a qui se limitent uniquement à transmettre la révélation et hein, les narrations à transmettre les narrations et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ils entendent ils mémorisent et ils transmettent parmi eux il y en a d'autres qui ont la connaissance du hadith ainsi que la compréhension hein? Il y en a parmi eux qui ont le fiqh, la compréhension et la connaissance des significations donc ce sont des différents degrés les savants et il dit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à la umma de transmettre celui qui était présent devait hein, transmettre à celui qui était absent et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation il a fait un dua hein, pour celui il a fait un dua pour celui qui transmet la religion et son dua il est exaucé et c'est rapporté dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit transmettez de moi-même un seul verset et il a dit et transmettez également hein, mentionner ou raconter ce que Bani Israël dit et il n'y a pas de mal et il a dit après et quiconque ment sur moi volontairement alors qu'il prépare sa chaise en enfer et il dit également et ça c'est rapporté par Al-Bukhari l'autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dedans que Allah illumine le visage d'une personne qui a entendu mon hadith et qu'il le transmet tel qu'il l'a entendu car il est possible que quelqu'un porte une compréhension ou une science à quelqu'un qui a plus de science que lui et c'est possible que quelqu'un porte une compréhension ou une science à quelqu'un hein وَحَامِلُ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ il dit il est possible que quelqu'un porte une science sans qu'il la comprenne sans qu'il soit quelqu'un qui comprenne lui-même et il peut porter une science à quelqu'un qui a plus de science que lui donc quelqu'un peut connaître un hadith peut-être quelqu'un il mémorise le hadith mais il le comprend pas hein? Et quelqu'un peut transmettre un hadith à une personne lui il le transmet à la personne mais la personne elle a plus de compréhension que lui. Donc quand lui il dit j'ai entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici ce qu'il a dit. Alors tu vas aller voir par exemple un savant, tu lui dis j'ai entendu le hadith il dit telle chose. Toi tu l'as appris par cœur, tu le dis au savant, le savant lui il le connaît et il connaît en plus sa compréhension, toi tu connais pas sa compréhension. Donc tu as mémorisé le hadith mais tu n'as pas compris le hadith, lui il va te l'expliquer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça ce qu'il dit dans le hadith. Il dit peut-être que quelqu'un il porte une science, mais il la comprend pas. Il va la transmettre à quelqu'un qui a plus de connaissances que lui ou plus de compréhension que lui. Il dit ça cette invocation là, hein, il dit ce doua, c'est pour celui qui a transmis un hadith, même si lui-même il ne l'a pas compris. Et le doua pour celui qui l'a transmis, même si la personne à qui il l'a transmis, hein, même si la personne qui l'a entendu, hein, même si la personne qui le reçoit et qui l'entend a moins de science que celui qui lui a transmis, a plus de science que celui qui lui a transmis, oui, c'est ça. Yani, même si la personne qui l'entend le hadith, hein, a plus de science que celui qui lui a transmis. Et il dit que Sufyan ibn Uyayna a dit à propos de ça, et Sufyan ibn Uyayna, c'est un des imams des salafs. Un des imams des salafs de l'époque de l'imam Malik, rahimahullah, qui vivait à l'époque à Mecca. Et on dit de lui, l'imam ibn Uyayna, Sufyan, qu'il était le savant de Mecca à son époque. C'était lui le mufti de Mecca. Quand les gens venaient à Mecca, ils posaient la question à lui. Quand les gens venaient à Médine, ils posaient à l'imam Malik. Quand les gens allaient à Mecca, ils posaient la question à Sufyan ibn Uyayna. Et c'est un grand savant parmi les savants de hadith. Et si je ne me trompe pas, c'est un des shuyukh de l'imam al-Bukhari. Je ne suis pas sûr, hein. Mais c'est un des ulama qui sont dans les chaînes de transmission des hadiths. C'est-à-dire les hadiths. Dans le Bukhari, un des narrateurs, c'est Sufyan ibn Uyayna. C'est un savant de hadith. Et il dit, dans cette parole-là, il dit que tu ne vas pas trouver quelqu'un parmi les gens de hadith, excepté qu'il y a une lumière dans son visage à cause du dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nadarallahu mri'an » سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ إِمَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ. C'est-à-dire que Allah illumine le visage de quelqu'un qui a entendu, hein, quelqu'un qui a entendu de nous un hadith et qui l'a transmis à celui qui ne l'a pas entendu. Allah va illuminer son visage. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى ربها ناظرة. ناظرة, ça veut dire illuminé. En tout cas, ici le cheikh il mentionne le hadith et il dit ça c'est spécifique aux gens du hadith. C'est eux qu'ils ont cette caractéristique. Les gens qui transmettent le hadith. Mais bien sûr, les gens du hadith sont les gens du Coran, parce qu'il y a personne qui comprend mieux le Coran que les gens du hadith. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit « Ahlul hadith hum ahlul Qur'an ». Parce qu'il n'y a personne qui comprend le Qur'an excepté ou mieux que les gens du hadith. Mais attends, donc, l'imam Sufyan ibn Uyayna, il dit « Tu ne trouveras pas dans les gens du hadith quelqu'un qui a, excepté qu'il a son visage illuminé à cause du dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et ça, c'est quelque chose que tu constates quand tu vois les gens du hadith, hein? Les gens de la science du hadith et les gens qui s'accrochent au hadith et qui suivent le hadith et qui transmettent le hadith. Yani, Allah, il a ébloui leur visage, illuminé leur visage. Oui, tu voulais dire quelque chose? Tous les prophètes, ils ont une sunna. Tous les prophètes, ils ont une sunna. Isa, il avait sa sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a sa sunna. La sunna, c'est les paroles et les actions et les approbations du messager. Donc chaque prophète, il a... Allah, il dit « وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » Donc chaque prophète, il a sa sunna, il a sa voix. Donc on va s'arrêter ici. Inch'Allah pour aujourd'hui, et on va continuer au prochain cours Inch'Allah. Donc chaque fatwa, il la résume par quelques pages. Là, on a déjà fini un point. Le prochain cours, on va passer à un autre. Qa'idatun fil ijtima'i wal furqa. C'est une autre risala de Ibn Taymiyyah. La lumière de la raison. La lumière de la raison. Elle ne peut pas... Tu ne peux pas voir, malgré la lumière de la raison, sans le soleil de la révélation. Il y a des élèves qui étaient plus savants que leur professeur. C'est connu? Non, c'est-à-dire que ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Oui, il avait des chouyours. Il est plus connu que ses chouyours. L'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmad, il est plus connu que la plupart de ses chouyoukhs, l'imam al-Bukhari, l'imam, tu vois, il y a beaucoup de ulama comme ça, leurs chouyoukhs, ils sont moins connus que eux. Ça dépend de ça, mais ça dépend aussi que peut-être qu'il a acquis plus de science que lui. Hein? Comme si l'imam al-Bukhari, il a eu plus que 1000 sheikhs. Mais parmi eux, il en a peut-être pris un. Il y a un sheikh, il a étudié avec lui, il a pris un seul hadith. Tandis que lui, al-Bukhari, il a mémorisé plus que 1 million de hadiths. Donc tu ne peux pas comparer. Tu vois? Donc, les savants, ils voyageaient partout. Non, ils ont fait le tour des pays musulmans. Eux, les ulamas de cette époque-là, ils voyageaient dans chaque contrée, rencontrer les ulamas de chaque région pour prendre d'eux la science. Et c'est pour ça qu'ils ont rassemblé les livres, hein, tous les hadiths qui étaient séparés, éparpillés un peu partout, ils allaient, ils les prenaient. Et il les rassemblait dans des livres. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a la sunna au bout des doigts. Avant, il fallait aller là-bas pour les chercher. Eux, ils ont fait l'effort et le sacrifice de faire ce travail-là pour pouvoir les réunir, ces hadiths. Hein? Pour que nous, on n'ait plus besoin de le faire. Donc, tu vois, le sacrifice qu'ils ont fait, c'était pour préserver la religion d'Allah. Ouais, non, c'est parce que nous, on est paresseux, c'est pas pareil. Sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, mais encore aujourd'hui, on voyage pour étudier la science. Ouais, non, c'est sûr, parce qu'on a des moyens maintenant plus faciles. Mais, non, mais ça dépend où tu habites aussi. L'imam Malik, par exemple, il n'a pas voyagé. Il est resté toute sa vie à Médine. Il n'a jamais été ailleurs. Pourquoi? Il y avait plein d'ulama à Médine. Et tout le monde venait à Médine. Tous les ulama venaient à Médine aussi. Donc chaque fois qu'il venait, il apprenait avec eux. Il n'avait pas besoin d'aller ailleurs. Tandis qu'il y en a d'autres ulama, eux, ils ont été partout. Hein? Mais c'est ça l'exemple. Même il y a des ulama qui ont écrit même des livres sur le fait de voyager pour chercher la science. Hein? Ça fait partie des méthodologies des ulama. Et les ulama, ils disent, parmi les méthodologies pour chercher la science, ils disent que, en premier, tu apprends la science dans ton pays, ou là où tu vis, avec ceux qui sont présents et la science que tu es capable d'acquérir avec eux. Quand tu as fini d'apprendre toute la science que eux ils pouvaient te donner, là tu pars et tu voyages ailleurs pour aller apprendre plus. Naam. Oui, tous les ulama, pas beaucoup d'ulama, c'est ça ce qu'ils ont fait, mon frère. Ils ont commencé à étudier la science chez eux. Qu'est-ce qu'ils pouvaient apprendre, ils l'ont appris. Les bases, les choses de base, les choses quoi. Hein, avec des chouyours qui sont chez eux, ils ont appris. Quand ils ont fini, ils sont partis étudier ailleurs. Là où ils pouvaient trouver du savoir avec les ulama. Donc, ar-rihla fi talab al-ilm. Les ulama disent ar-rihla fi talab al-ilm. Le fait de voyager pour chercher la science. Ça, c'est nécessaire. Hein? C'est nécessaire de le faire. Et sinon, les gens, ils restent ignorants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans sourate Tawba. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Hein, les croyants n'ont pas acquitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas à s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Donc il y a dans ce verset-là la notion de voyager pour aller chercher la science et pour apprendre dans le but de revenir par la suite pour enseigner. hein, aux différents peuples hein, là où ils viennent, de là où ils viennent, pour enseigner leur famille, leurs proches et les gens de leur ville, pour leur enseigner la religion. Ça, c'est important. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واياكم ان شاء الله